Alors aujourd'hui, donc, le contexte de cet évangile de Matthieu est encore une fois un petit peu un contexte polémique. Cette parabole qui nous parle de noces s'adresse à des gens en particulier. Jésus, nous dit le texte, parle aux grands prêtres et aux pharisiens. Et il raconte cette parabole qui parle que les premiers invités à la noce, les premiers invités, finalement ne répondent pas à l'appel et alors il étend l'invitation aux autres. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament spécialement, il y a toutes sortes d'images par lesquelles Dieu parle de sa relation avec le peuple. Une première qui n'est pas juste une image, il parle de lui-même comme étant le Créateur, et nous, sa créature. Il y a l'image du pasteur qui conduit ses brebis, son peuple comme un troupeau. Mais une des images privilégiées de la Bible, c'est Dieu qui parle de sa relation avec nous comme celle d'un époux avec son épouse, d'une alliance d'amour, où il veut avoir une alliance même comme un vis-à-vis, étonnamment. Nous qui sommes si petits, eh bien, il s'abaisse pour nous élever et pour avoir une relation d'alliance et d'amour, de vis-à-vis d'époux et d'épouses. Et cette alliance-là, il l'a commencée. Dans l'Ancien Testament, entre autres, il a posé un acte de salut par lequel il s'est fiancé au peuple. D'une part, il a sorti son peuple de la terre d'Égypte. C'est comme le bien-aimé qui va sauver sa belle, sa bien-aimée, il va la tirer des mains du dragon, d'une certaine façon. Mais ensuite, sur la montagne, il y a vraiment un moment où Dieu donne les tables de l'Alliance à travers Moïse. Il scelle cette alliance où le peuple s'engage librement. Veux-tu me suivre? Veux-tu suivre ce plan d'amour, ce plan de vie que je te donne? Puis le peuple s'engage, dit oui, je vais te suivre. Et finalement, l'alliance est scellée. Tu seras mon peuple, je serai ton Dieu. Finalement, on connaît, pas si simple, de toutes sortes d'infidélités arrivent les prophètes et même Osée, ce prophète étonnant à qui Dieu demande, va donc épouser une prostituée. Ça va être pour mon peuple un signe. Parce qu'il va se travestir auprès de toutes sortes, il va sacrifier à toutes sortes d'idoles alors que c'est moi son époux, c'est moi son bien-aimé, c'est moi qui lui donne tous ses biens. Dieu se plaint qu'on ne reconnaît pas qu'il est le premier époux. Et finalement, dans le Nouveau Testament, folie de Dieu, c'est que l'époux descend même sur la terre en la personne de Jésus. Jean-Baptiste se qualifiera lui-même comme l'ami de l'époux. Il n'est pas l'époux. Il dit « Je ne suis pas celui que vous attendez, je suis pas le Messie, moi. » Mais il vient derrière moi et je suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. Mais lorsqu'il voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu. Déjà, le Christ est époux de l'humanité. Comment? Eh bien, par l'incarnation. Il a épousé notre humanité. Et lui qui est Dieu en lui-même, n'est pas matériel, mais il a voulu épouser notre chair et notre humanité. Déjà là, il y a une épousaille qui se vit par son incarnation. Mais plus encore, il veut sceller son alliance en ayant avec chacun de nous une relation intime, d'habitation mutuelle. Il va nous prouver son amour comme un bien-aimé peut prouver son amour à sa bien-aimée en donnant sa vie sur la croix pour moi, pour vous. Il a versé son sang. La nouvelle alliance, il dit, il va la sceller dans son sang. Cette parabole aujourd'hui nous présente que Dieu le Père, le maître de la noce, invite les gens. Venez pour la noce de mon fils. Venez, venez. Puis finalement, les uns après les autres se désistent. Certains même font violence. Ceux qui font violence, étonnamment, c'était des invités. Et on le sait que quand Jésus est venu, qui ont été les personnes les plus hostiles à son plan d'amour? Ça a été des chefs, des prêtres, des pharisiens, des spécialistes de la loi juive, des gens qui avaient été les premiers choisis, ceux avec qui l'alliance avait commencé. Et puis, ils n'ont pas su reconnaître cette invitation, ils n'ont pas su partager la grâce. Une des choses qui choquait certains juifs, c'était l'accueil que Jésus faisait aux pécheurs, et aussi, même aux Samaritains, on le sait, hein, ils voulaient étendre tranquillement cette bonne nouvelle pour tous. Mais par leur refus, les Juifs ont préparé l'évangélisation pour le monde. Ici, les invités de la noce n'étaient pas dignes, dit la parabole. Alors, qu'est-ce que le maître dit? Allez à la croisée des chemins. Allez inviter à la noce. C'est ce que Saint Paul fera de façon admirable. Toute sa vie, il a parcouru le monde, Saint Paul. Il allait d'abord dans les synagogues. D'abord, pourquoi? Pour d'abord annoncer aux invités premiers. Si vous voulez accueillir Jésus, venez à la noce, venez au banquet. Ensuite, quand il y avait un refus, eh bien, il se tournait vers les autres. J'ai célébré beaucoup de mariages cet été. Il y a eu plein, il y en a parmi vous qui sont mariés, hein, j'en vois dans la chorale ou ailleurs. C'est génial, une noce. C'est plein de joie. Je nous invite ce soir à redécouvrir la messe comme une noce. Le dimanche, c'est un jour de noce, un jour de fête. Les mariages que j'ai vus, et spécialement les mariages, plus les gens ont de la foi, plus les mariages sont éclatants. C'est merveilleux, ceux qui ont assisté à des mariages cet été, la joie éclate encore plus. Pourquoi? Parce qu'on se sait accompagné de Dieu. Le dimanche, c'est un jour de joie, de noce. C'est un jour où, comme dit le prophète Isaïe, hein, on se réjouit. Pourquoi? Parce que le Seigneur va essuyer toute larme. Il va enlever le voile du deuil. Le dimanche, c'est ce que le Seigneur fait. Il vient enlever le voile du deuil. Il y a toutes sortes d'affaires qui n'ont pas marché dans notre semaine. Je ne sais pas pour vous, mais moi, oui, ça arrive assez souvent. Ça ne marche pas toujours comme on voudrait. Mais c'est pas grave. On vient le dimanche, jour de résurrection. C'est-à-dire jour où on se rappelle, vendredi, c'est vrai, le Christ était crucifié. Mais dimanche, il s'est relevé. Donc, qu'est-ce qu'on fait le dimanche? On vient se relever et on se réjouit. C'est une joie enivrante. J'ai remarqué qu'aux noces aussi, les gens se font beaux et belles. Je nous invite le dimanche, je vous invite à vous faire d'une part un cœur beau, hein, c'est la première des beautés. Certains d'ailleurs parmi vous, vous faites une beauté au salon de beauté qui est le confessionnal, hein, pour revêtir notre cœur des beautés, des vertus qui viennent de Dieu. Mais aussi, pourquoi pas physiquement faire un petit plus. J'ai été en Haïti il y a 3 ans, faire une petite mission d'un mois avec des enfants, et on allait avec les jeunes adultes à la messe le dimanche là-bas, et ça m'a étonné, j'avais l'impression de m'en aller aux noces. Tous les jeunes Haïtiens, des plus petits jusqu'aux plus grands et jusqu'aux aînés, étaient habillés pour la noce. On ne peut pas dire que c'est le pays le plus riche du monde, mais il s'en allait au banquet du Seigneur. Demandons peut-être à Dieu de nous redonner un petit peu plus le sens du sacré. Au Québec, on est très simple, on est très cool, mais demandons à Dieu peut-être de retrouver ce sens de ce jour sacré du dimanche. À la noce, il y a un banquet, on se nourrit. J'ai été justement à des noces, puis il y avait de la bonne nourriture. Des fois, on aime plus le fast-food que de la bonne nourriture. Des fois, on se dit, ah, tu sais, je vais aller au McDo. Puis on dînait, quand j'étais petit, on avait de la misère à apprécier les bons repas. Un bon potage, une bonne entrée, des bons plats cuisinés, la bonne viande bien apprêtée. Des fois, on aime mieux du fast-food. La messe, désolé, c'est pas du fast-food, spécialement pas à Saint-Thomas. mais c'est un banquet. C'est-à-dire qu'il y a différents plats qui nous sont servis. La première table, c'est la table de la miséricorde, hein, où on demande pardon au Seigneur. Deuxième table est peut-être où la première grande table, il y a comme deux grandes parties à la messe. Vous savez, ici, on est en train de célébrer la table de la parole. Je suis à Lambon. Donc, c'est le lieu où Dieu nous parle. Il nourrit notre intelligence et notre cœur par sa parole de vie. C'est la première grande table de la messe. Mais il y a une autre table, celle vers laquelle on va se diriger dans quelques instants, qui est la table eucharistique. C'est-à-dire cette table où c'est plus juste sa parole qu'on entend, qui germe dans notre cœur par l'Esprit Saint, mais c'est Dieu lui-même. Le Verbe fait chair, il va s'en venir, il va être sur cet autel, et puis il va se donner à nous dans une relation assez intime. Il va toucher mes lèvres. Les pères de l'Église, certains parlaient de la communion comme du baiser de Dieu. Demandons à Dieu qu'il ravive notre foi en cette nourriture vivante qui nous est donnée en Jésus-Christ. Donc, traditionnellement, l'Église parle de deux tables principales à la messe, la table de la parole et la table de l'Eucharistie. Mais je vous invite à méditer sur une troisième table dans une fête de noces. Il y a aussi la table de l'amitié fraternelle. Et spécialement ici, dans cette assemblée, à chaque dimanche soir, je vois que les uns les autres, vous vous nourrissez par votre amitié mutuelle. Béni soit le Seigneur, c'est aussi une table qui nous nourrit, qui nous donne ce qu'il faut émotionnellement pour affronter nos défis de la semaine. C'est le fleurissement normal des deux premières tables. Demandons à Dieu de nous raviver dans ce festin, de nous revigorer, et demandons à Dieu de nous battre pour préserver le dimanche. En écartant, hein, vous savez ici, certains ont raté le banquet pour des études, pour du commerce. Ça, c'est pour des études, c'est pour nous. C'est pas dans l'Évangile, mais des fois, les étudiants, on dit « Ah, oh, j'ai trop d'études ». Demandons à Dieu de remettre au centre le dimanche. Cherchez d'abord le royaume, nous dit Jésus, le reste vous sera donné par surcroît. Seigneur, merci de ta bonté. Nourris-nous de ta paix, de ta parole, de ta présence eucharistique. Amen.